la présentation du 54e Super Bowl hier, je suis déçu parce que j'étais à contre-courant de tout le monde. Je suis content pour Laurent Duvernay-Tardif, mais je suis content pour Andy Reid aussi, mais mon équipe, c'est les 49ers de San Francisco. On en parle avec notre ami Tony Guzzo du Bits NFL. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Mais tu n'étais pas le seul à contre-courant. C'était 50%. Je suis un partisan des Pats, mais t'sais, on a toujours des équipes qu'on aime. Hein? Puis les 49ers, c'est une équipe que j'aime à cause de Joe Montana. Joe Montana, c'est mon état de jeunesse. Fait que, t'sais. Mais je vais te donner le meilleur exemple, Danny, dans mon cas à moi. Moi, là, j'ai commencé à suivre. C'était drôle parce que je fais un petit clin d'œil à mon cousin qui est un grand fan des 49ers. Mais je me souviens, en début d'année 80, on s'est regardé. J'ai dit, moi je vais prendre pour Dan Marino et les Dolphins. Puis lui, il a dit, ben moi, je vais prendre Joe Montana puis les 49ers. Puis, mais tu sais, hier, pas avoir été de Laurent Duvernay-Tardif, j'aurais choisi les 49ers puis suivre eux autres, mais j'avais un petit côté local hier. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, j'enlève rien à Laurent. Là. Non, c'est ça. Deux petits points. Est-ce que, donc, tu es un partisan? Donc, ta blonde, hier, a évité une volée. Je fais allusion au tweet de Penelope McQuaid. Je sais pas si. Écoute, on a parlé hors d'onde, là. On fera pas une chronique juste pour ça, là. C'est vraiment éditorial. Je pense que c'est gratuit, là. Oui, on est tous des partisans, mais je veux dire, au point de dire qu'ils ont évité des volées, pas en tout. Là. Il y avait deux femmes qui suivaient. Hier, on était pas mal tout le monde pour les Chiefs, là, mais même si... Puis, c'est drôle parce que ma femme, ma blonde, elle hésitait parce que moi, j'avais deux féministes là, dans notre groupe. Là. Ma blonde, elle voulait même... Elle était partagée parce qu'elle voulait... encourager la première femme entraîneur féminin. Fait que je veux dire, ben non, j'ai dit, en tout cas, je veux pas. Les gens, d'ailleurs, est-ce que les Québécoises ont salué cette femme-là? Il n'y a pas grand monde au Québec qui ont été fiers. Mais c'est ça, ils ont été à l'ombre. Cette année, tu avais Laurent Duvernay. Tu avais la mort de Kobe Bryant aussi, qui a eu un gros ombre sur le Super Bowl aussi. Mais les gens qui connaissent le sport un peu plus ou qui ont suivi comme il faut, ils ont aussi salué la première femme entraîneur. Moi, avec le Blitz NFL, j'ai essayé d'en parler aussi. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup d'obstacles et d'ombres au tableau. Pas avoir été de Laurent Duvernay, on aurait parlé de la première femme. Tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup au Québec, il y a eu beaucoup de... La mort de Kobe aussi. De sujets, oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de sujets d'actualité qui a fait que... Mais je veux dire, j'ai oublié le tweet à Penelope. Comment t'as trouvé le match? Moi, j'ai été un petit peu... Écoute, moi, je donne crédit à Pat Mahomes. Ben, il a fait l'histoire. La grosse question ce matin, puis là, j'écoute aussi les gens qui sont capables de regarder ESPN, Fox Sports, puis tout ça, là. Ouais. La question, est-ce que c'est les Chiefs qui ont gagné le match? Ou c'est les Niners qui ont, en guillemets, choqué un peu, puis tout ça. Moi, ça a été un bon match. On a vu un Pat Mahomes, 24 ans, un peu nerveux, mais faut donner crédit à la défense des Niners qui ont rendu Mahomes pendant trois quarts inconfortable, déstabilisé. Le fameux jeu point tournant, ça a été au quatrième quart, à troisième essai et 15. Si tout le monde Passe de Mahomes, là, la passe, c'est le jeu du match. Fait c'est vraiment le point tournant. Puis allez-y, mon collègue Michel, dans les 5 jeux ce matin, il l'a mis sur Internet, le tweet, là. Pat Mahomes était déstabilisé lors de son lancer. Il faut y donner le joueur de baseball en lui, là. Il a été déstabilisé, il a eu de la pression, il a lancé sur ses talons. Il a lancé toutes ces verges-là. Tyreek Hill, il a attrapé le ballon comme s'il attrapait un botté. Ouais. Il a eu tout le temps qu'il avait. La défensive s'est fait avoir pour... quand vous dites un jeu a fait la différence, La défensive a été épuisée au quatrième quart, malheureusement. L'attaque des Niners n'a pas aidé à maintenir cette avance-là. Ça a été un bon match, mais les défenseurs là aussi là des Chiefs là, 3-4 ballons bloqués par le gars de la ligne, là, Chris Jones là. Ça aussi là les gens là les quand vous regardez l'aspect football là, ça a été un bon match. Puis crédit à Pat Mahomes et toute l'équipe, ils savent revenir, ils savent gagner. La question, est-ce que les Niners ont choqué, ont manqué de jus ou le les 40 Chiefs secondes, ont vraiment... Le 40 secondes de la manière qu'on a mal évalué le cadran en fin de première demi, ça aussi. Là. Donc, à Shanahan, il y a aussi de la misère avec le cadran. Des gros matchs parce que les là, deux... Ouais. Ben, il est étiqueté. Moi, je l'ai toujours dit dans l'entrevue, même avec... ça va être le coaching... heureusement pour les Chiefs, ils ont du talent, mais Kyle a eu vraiment, tu sais, quand tu coaches pour, moi c'est là, quand tu coaches pour ne pas perdre, non. C'est là que tu vas te faire avoir, puis c'est ça qui est arrivé malheureusement, parce que la défensive des Niners a fait tout ce qu'ils pouvaient, et là, ils ont mis le ballon entre les mains de Jimmy Garoppolo. Mais et là, la question, Danny, tu sais, je veux dire, Jimmy Garoppolo, hier, il a lancé 31 fois. Mm. Tu sais, je veux dire, les autres matchs, là, le match avant, il avait lancé 8 fois. Tu ne m'as pas parlé, mais il a pas été mauvais, Garoppolo, pas du tout hier. Là. Non, ben, il y avait des bons chiffres, mais pourquoi Kyle Shanahan n'a pas été patient, grugé le temps avec la course au sol? Puis, tu sais, je veux dire, il fallait s'en attendre dans un sens, là. Je pense qu'il a été déstabilisé, Kyle Shanahan. Il a-tu manqué de confiance à Jimmy Garoppolo? Mais il a dit, je pense qu'il voulait démontrer, les Chiefs vont défendre la course, fait qu'on va les avoir avec le play action, puis on va démontrer que Jimmy Garoppolo est aussi un MVP, là, puis un bon corps arrière. On dirait qu'il voulait faire des preuves, mais ils n'ont pas joué le jeu, la façon que les Niners se sont rendus au Super Bowl, et c'était par la course. Il y a eu une meilleure gestion du temps, là. Puis je veux dire, veux pas, jusqu'aux les trois quarts, là. Puis Troy Aikman l'a dit, pourquoi? Puis même moi, là, dans le salon avec mes chums, on disait, pourquoi qu'il lance pas le ballon, Mahomes, loin, là? Il n'y avait pas de passe au-dessus de 20 verges. Pourtant, les receveurs étaient capables de se démarquer. Puis on l'a vu à la fin, ils ont réussi. Puis là, il a frappé dans le mille, Mahomes. Ouais. Mais ils ont joué avec le feu, les Chiefs, là. Puis les Niners n'ont pas réussi à bien gérer les Chiefs ont fait ça tout au long des séries éliminatoires, des matchs éliminatoires. Ouais. Les trois fois, ils tiraient de l'arrière. Sauf que, en tout cas, ils ont l'attaque pour ça. Puis moi, chapeau. Puis je suis content pour Andy Reid. Andy Reid, j'avais toujours des interrogations hier sur le gros match. Parce qu'avec les Eagles de Philadelphie, il y avait des équipes pour gagner beaucoup. Puis là, enfin, cette étiquette-là va disparaître. Donc, il y a eu un très bon respect. Même les Eagles l'ont félicité à la fin. Là. Donc, je veux dire, Andy Reid, là, tu vois, il a réussi... C'est le genre de coach qui a réussi à s'ajuster avec les nouvelles façons de faire, créativité, tout ça. Oui, chapeau Andy Reid, je suis content pour les fans des Chiefs après 50 ans. Là, fait que je veux dire, veux pas, mais on a eu deux équipes devant nous hier qui vont se rendre loin. Tu sais, je veux dire, je pense que Kyle Shanahan là, va falloir que il fasse confiance ou dans un sens, j'espère qu'il ne sera pas étiqueté. Ben là, il l'est. Là. Il y a des gens à télé en ce moment. Il l'étiquette comme choker. Là, mais comme Jean Dussault l'a mentionné vendredi, c'est quand même une équipe, il faut qu'il performe. Mais je trouve que les deux équipes, ils jouaient quand même un bon match quand même là, je veux dire, veux pas là, Nick Bosa là, il a mis de la pression 12 fois sur Mahomes là. Je trouvais que ça a pas été une grande ça a pas été c'est sûr que quand on l'écoute avec une gang de chums, on l'analyse pas, faut quasiment le réécouter pour bien l'analyser. Je trouvais que Bosa avait pas été une si grande menace que ça, mais regarde, je vais le réécouter, là, peut-être que... Non, mais réécoutez-les. Si vous le suivez, là, je l'ai dit tantôt, les trois premiers quarts, Pat Mahomes, il y a eu beaucoup de pression. Il a été inconfortable. Tu le voyais, là, c'était difficile. Là. Fait que là, je me demandais à un moment donné si tu Mahomes qui avait de la misère à voir, là, mais parce que ses receveurs, là, je suis sûr qu'ils se démarquaient, puis Ouais. ils ont pas tenté la grande passe, la longue passe. Faut les réécouter une deuxième fois aussi, là, de le voir du côté football, là, parce que ça a été quand même, tu sais, je veux dire, les Niners, avec une bonne défensive, là, ils ont quand même, c'était 20 à 10, là, Ouais. encore, là, tu sais, je veux dire, c'était à la fin qu'ils sont allés, hey, 21 points au quatrième quart avec 7 minutes à faire, là. Ouais. Tu sais, il faut se poser bien des questions, là. Tu sais, je veux dire, c'est-tu les Chiefs où il y a eu un manque où, ben, je pense que la défensive a travaillé fort des Ouais, Niners, puis il manquait de jus à la fin. c'est sûr, c'est sûr. Fait que. Il y a eu, comment t'as trouvé le spectacle? On va parler un peu de spectacle. Le petit gars au début, c'était la NFL, là, on dira ce qu'on voudra, là, ils l'ont l'affaire, hein? Ouais, puis c'est l'annonce. Les gens ont peut-être pas compris. C'était une annonce qui a été une transition vers le direct. Donc vous allez les regarder l'annonce, vous allez le voir ce matin. Mais oui, ils ont présenté. C'était un clin d'œil pour dire, OK, on a eu 100 ans dans la NFL. Là, on va se concentrer sur les prochains 100 ans. Donc, avec les jeunes, puis encore une fois, on a vu aussi les anciens. C'était chapeau, faut y donner ça. Il faut faire attention parce que j'ai pas aimé. J'ai vu beaucoup dans les réseaux sociaux dire que la NFL ressemble beaucoup à la lutte professionnelle. On dirait c'est tout. Stagé un peu, mais il faut faire attention sur le terrain, c'est pas stagé, là. Donc, comparé à la lutte professionnelle, là, oui, ils font ça en grand, la NFL, mais faut faire attention, il y a du beau, il y a de la belle qualité du terrain, puis chapeau à la NFL, encore gros spectacle. Miami a bien accueilli cette semaine, le Super Bowl, donc, le spectacle, oui. Les gens qui pensent que c'est la dernière chronique avec du Blitz NFL, et non, à compter de vendredi, au moins pour les 2 prochaines semaines, on va faire une chronique de la XFL, parce que c'est le début de la XFL, c'est la mouture numéro 2 de Vince McMahon. Tony va sûrement faire un papier certain pour cette semaine, quand toute l'histoire du Super Bowl va être terminée, pour un petit peu expliquer les équipes. On va le faire en ondes également. Je vais vous dire, j'ai moins suivi ça que la Alliance Football League l'année passée, mais on va en parler avec Tony. Tony, comment tu vois ça tout rapidement? Ben rapidement, je vous invite les gens demain matin. Ouais. Demain, je publie un peu l'explication, quoi s'attendre, c'est qui les équipes, les entraîneurs, puis la façon de faire. Oui, c'est une version 2.0. Ils prennent un peu de qu'est-ce qui est arrivé. Ben je veux dire, la ligue est gérée par XFL, donc les 8 équipes sont gérées par la XFL. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas quoi vous dire. Marcus Smith est J'avais un des entraîneurs pour Oui, tout à fait, oui. ouais, fait L'entraîneur de Tampa Bay. ouais. Je ne sais pas comment que la XFL va être différente de la Ligue Alliance l'année passée. Ben. La Ligue Alliance a bien commencé, mais ils ont manqué d'argent. Donc, la XFL n'a pas de problème de l'argent, on verra. Mais la XFL a quand même eu, tu sais, la Fox va le présenter, ESPN va le Ben, présenter. déjà là, c'est déjà une Donc, grosse amélioration oui, parce exactement. que l'an passé, rappelle-toi, c'était la première année. C'est là que ça prouve à quelque part qu'il y a quand même une place pour du football de printemps, parce que les Oui. matchs, la première fin de semaine, le match était sur CBS et Oui. CBS normal, il y avait plus de codes d'écoute que le match de la NBA. Donc, Oui. et par la suite, ça s'est en allé sur NFL Network. C'est pas tout le monde qui a NFL Network, c'est pas tout le monde qui a CBS Sports Network. Nous, on l'a Tout parce à fait. qu'on est des maniaques de médias, là, puis on fait des Oui. passeports, c'est pas très légal, mais on l'a, là. Mais là, ça va être sur ESPN, ça va être sur Fox et ça va être sur ABC. Et Tout à fait. toutes les trois réseaux vont présenter les matchs. Et ça, c'est pour vendre leur ligue. C'est bien mieux qu'être. C'est ça la grosse différence. également. Donc, on va en parler plus vendredi. Moi, cette semaine, je vais en parler plus. Donc, c'est oui. déjà un gros pas. Et on va parler certainement, comme on va faire, comme à tous les vendredis, il va sûrement avoir de la NFL, des nouvelles de la NFL. Et là, le zoo va commencer à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça a commencé hier, je ne sais pas si tu l'as vu. Les gens ont retenu leur souffle avec la publicité de Tom Brady avec Hulu. Beaucoup de monde pensait que c'était la fin de Tom Brady, parce que le titre de la pub, c'était « Chaque bonne chose a une fin ». Mais oui. C'est Hulu. Hulu qui est un service de streaming aux États-Unis comparable à Netflix qui a lancé ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, mais ils ont réussi à maudit avec Tom Brady. Hein? Oui, ça va douter encore, puis nous laisse encore le doute. Là. On dirait que Tom Brady va demeurer. Mais tu sais, il essaie de passer un message. Mais oui, chapeau à Hulu. Donc finalement, c'était ça. C'était la conclusion, c'était la réponse au post de Tom Brady la semaine passée qu'on pensait est-ce qu'il s'en va ou il demeure. Donc, ça va être l'actualité. Je pense que Tom Brady va aimer se faire convoiter. Il va évaluer les offres, mais on va en entendre tellement parler. Il va en avoir tellement des rumeurs. La dernière rumeur, c'est que les Raiders sont sérieux. Pour y faire un œuf. Sais-tu que c'est plausible? Parce que les Raiders s'en vont d'un nouveau marché, Las Vegas. Oui. Et Tom Brady à Las Vegas dans le show du spectacle, ça fitterait. Mais est-ce que Tom Brady a besoin de tu sais, moi, tu connais ma position, il ne sortira pas. Mais moi, je l'aurais vu sortir là, à 42 ans. Là, il n'y a plus rien à prouver, le gars. Ben, c'est des égos. Là, on connaît un Tom Brady de ce côté-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une belle famille dans ce sens-là. Il y a des enfants. Il a vraiment réussi, moi, avec là, tout le monde. Il aurait dû se retirer l'année passée. Mais là, qu'est-ce qui va être intéressant? Puis on va voir comment Tom Brady, parce que les Raiders, là, sont quand même, il y a une belle équipe, là. Il y a un bon jeune porteur de ballon. Mm. Il y a des bonnes cibles aériennes. Il y a un bon tight end. La seule affaire, c'est que est-ce qu'il est capable, John Gruden, il y a toute cette affaire-là, mais je veux pas, tu sais, je veux dire, pour tellement que j'ai haï les Patriots et Tom Brady dans ce sens-là, j'aimerais pas ça qu'il aille à une autre équipe, ça va pas bien. Mm. Tu sais, je veux dire, elle a la crainte. À place de prouver à tout le monde que Tom est seulement bon avec Bill Belichick, ben oui, ça se peut, puis ça finit là. Il a été loyal avec l'équipe, il a gagné tant de. Tu sais, je veux dire, il s'est tellement impliqué avec la communauté. Pourquoi changer de ville, là? En tout cas, on va voir, mais on voit le côté de Tom Brady qui va aimer ça. Il va tout évaluer les options. Et là, Robert Kraft a déjà mentionné qu'il voulait le garder. Mais Robert Kraft, il faut qu'il démontre avec Bill Belichick, il faut qu'il l'entoure. Là, c'est une question de mettre des bons éléments sur le terrain pour Tom Brady. Il est là le défi. Mm. Fait qu'on verra bien. Ça va être, comme tu dis, ça va être un cirque. Ouais. Un cirque pour la NFL. Il y a plusieurs joueurs aussi. Ça va être une année de joueurs autonomes, de carrière de Andy Dalton, Philip Rivers, Cam Newton. Je peux-tu te dire que Derek Henry qui va être disponible également. Donc, le marché des joueurs autonomes dans la NFL cette année, c'est probablement. Tu me corriges, je me trompe, là, c'est peut-être le meilleur des 10 dernières années. Tout à fait, puis la grosse question, là, il y a, en ce moment, tu disais Andy Dalton, là, A.J. Green avec Cincinnati. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que peut-être Joe Burrow, ça ne tente pas d'aller à Cincinnati. Ah, OK, c'est pas surprenant. C'est... Ah ouais, tu l'as vu, ça? Oui, ça a été mentionné parce que en ce moment... Andy Dalton, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis A.J. Green, là, fait que regarde l'équipe, là, Joe Burrow, là, il peut faire peut-être une scène comme un Eli Manning ou un John Elway avait fait dans le temps, il veut pas aller avec l'équipe qui va le choisir, ça va être très intéressant. Tu sais, Carson Palmer a divulgué la semaine passée que les Bengals, l'organisation, ne faisait pas assez pour gagner un Super Bowl. Ouais. Fait que là, ça laisse des doutes planer pour Joe Burrow s'il veut continuer ou il veut vraiment jouer. Parce qu'on a vu qu'un quart arrière a besoin aussi des cibles. Puis ils ont besoin d'une bonne ligne à l'attaque. C'est toujours ça. On n'en parle pas beaucoup. Là, il y a Dak Prescott également, que ce serait un impasse. Ouais. Si Tom Brady a à partir, c'est drôle, hein? Je le verrais avec les Cowboys de Dallas. S'il a à partir de... C'est une belle destination, t'as raison. Ouais. Je pense que c'est mieux, une meilleure destination. Grosse ligne que... à l'attaque. Ils ont beaucoup de potentiel. Mike McCarthy va ramener de l'ordre, parce que Jason Garrett n'est pas là. Ils vont être très compétitifs l'an prochain. C'est sûr que donc ça va être à suivre, donc très très intéressant. Donc Tony, pour au moins pour les deux prochaines semaines, oui. La semaine prochaine et l'autre semaine, pour te demander comment tu as trouvé ça. Donc on va se parler de la XFL, les nouvelles de l'actualité dans la NFL également. Donc on se le rendez-vous vendredi. Parfait. Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.